Kumbie mwange kumbi madumu musime mwangai yobe kumbi madumu musima mutu tingaga dumino wande kumbi madumu musime mwanga kumbie mwange kumbi madumu musime yobe kumbi madumu musima mutu tingaga dumino wande kumbi madumu musime kumbie mwange bagi bagi mwange kumbie kumbi madumu musime Ogi bagi mwange kumbie kumbi madumu musime yobe kumbi madumu musima mutu tingaga dumino wande kumbi madumu musime mwanga iye Bien, bonjour à tout le monde et bonsoir pour ceux qui sont, en Afrique. Je n'ai invité personne, mais je crois que j'ai dû prévenir tout le monde que je devais revenir sur ce rite, puisque beaucoup de gens ont toujours posé des questions sur ce rite-là. Il s'agit d'un rite puissant contre les attaques des sorciers. La formule a été postée sur nos forums, mais je vous ai pas. Je vous avais bien dit que je prendrais le temps de venir ici vous montrer toute la ritualie possible. Maintenant, pour la ritualie, j'aurais souhaité que vous ayez ce livre. Voilà le livre, La lumière sur le royaume. Donc, c'est un rituel qui va être apparenté à un rituel que vous allez sûrement emprunter le chemin ici. D'accord? Nous allons le faire donc ensemble parce que c'est très, très important. Je n'aimerais pas que vous commettiez des erreurs. Car dès que vous allez réussir à faire ce rite-là, vous verrez que vous n'aurez plus besoin d'aller voir des charlatans ou des marabouts. C'est clair. D'accord? Donc, je vais pouvoir vous amener à la page en question et puis nous allons faire ça ensemble pour tous ceux qui sont avec moi ici et vous pouvez partager à toute personne qui est bien intéressée. Le rite s'appelle le rite de protection contre les attaques d'un sorcier, quelle que soit l'origine, hein, que ce soit un parent proche ou quelqu'un d'éloigné ou des amis, quelle que soit la puissance que le sorcier a. Donc, ce rite simple, je vais vous le démontrer. Je tiens à vous remercier ceux qui sont en train de me suivre. Je constate qu'il y a au moins une vingtaine qui sont branchés, alors que je n'ai pas fait une publicité là-dessus. Et les chansons que j'ai fait passer, je tiens ici à rendre un hommage à notre frère, qui est l'arrière-petit-fils du roi Makoko, que j'ai découvert plus tard qu'il est également un griot. Et la chanson d'introduction, vous avez sûrement, pour ceux qui sont du Congo, connaissent la langue, ça s'appelle le Kikongo. Que je comprends très bien, je parle un peu seulement, mais je parle beaucoup plus le Lingala, le Munukutu et le Vili. Mais par contre, le Kikongo, je peux bien comprendre le message qui passe sur la chanson. En fait, c'est quoi? On s'adresse aux enfants. Et quand on utilise l'expression enfant, ça veut dire spirituellement, tant que vous n'avez pas encore atteint ce niveau, vous êtes considéré comme des enfants, quel que soit votre âge, même si vous avez 90 ans. Mais tant que vous n'avez pas encore atteint le chemin de l'éveil de votre conscience, vous êtes considéré comme enfant. De prime abord, donc, notre griot, l'arrière-petit-fils du roi Makoko, ici est en train, dans sa chanson, de faire passer un message de sensibilisation pour faire comprendre que, quelles que soient vos occupations, quels que soient vos âges, quel que soit ce que vous pouvez faire dans votre vie, mais si vous n'avez pas la sagesse, si vous n'écoutez pas les conseils des sages, vous n'allez pas réussir dans votre vie. Les conseils des sages, c'est quoi? Ce sont des consignes, ce sont des instructions. Autour du feu, on s'asseyait, nous autres qui avons grandi au village. Bon, je pense avoir des petits problèmes techniques avec le nouvel appareil, pourtant, qui était semblable au premier, mais il est en train de déconner. Je ne sais pas, on va essayer de tenter à nouveau. Donc, disais-je, les sages conseils, c'est quoi? C'est qu'il faut toujours écouter les conseils des vieux. Nous qui avons grandi au village, c'est autour du feu que les papas, les vieux parents nous parlaient et on était là attentifs. De nos jours, vous avez donc ce tour du feu ici, autour de Tetan Zambé, le Tout-Puissant Kana. C'est une forme de tour de feu spirituel auprès de qui vous devez recevoir ces enseignements. Voilà pourquoi je me suis évertué bientôt 2 ans sur cette chaîne même, que j'ai décidé de pouvoir donner au public certaines informations qui peuvent vous servir, ces informations des bases, avant de pouvoir entrer dans les grandes, grandes informations qui ne sont données qu'au cours des séminaires. Parlant du séminaire, justement, le séminaire qui est en vue, je crois que j'ai déjà averti les gens que si d'ici novembre, rien n'est fait pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, ce séminaire va être annulé, séminaire-conférence. Et des choses seront organisées avec le temps pour ceux qui veulent venir recevoir des initiations ou recevoir des grandes connaissances et des grands mystères auprès de votre humble serviteur seront obligés de venir ici aux États-Unis, ou auquel cas l'Afrique va être la prochaine destination, soit je verrai bien entre Libreville ou bien Pointe-Noire. Bref, c'était juste une information. Le vinaigre, qu'est-ce que c'est? Le vinaigre, comme vous le savez, le mot vinaigre vient de vieux vin, d'accord? Du vin qui est aigri. Le vieux vin ou le vin qui est aigri. Donc, vinaigre veut dire le vin aigri. Mais quand le vin devient aigri, ça veut dire que c'est un vieux vin et c'est un vin trop fort. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et ensuite, parlant toujours du vinaigre, retenez bien que lorsque un être humain meurt, j'ai observé ça, hein, lorsqu'un être humain meurt, son corps dégage des eaux. Et ces eaux-là qui sortent de son corps, il y a certains sorciers qui ont besoin de ça. Et vous verrez qu'à l'endroit où le corps, surtout dans les zones de guerre, ceux qui ont été dans les pays de guerre, vous pouvez bien voir cela. Moi, j'ai vu ces corps décomposés du côté de Chomol au Gabon, c'est-à-dire les gens qui ont été victimes d'assassinats. Vous verrez qu'autour du corps, il y a des eaux qui sont là, noires. Mais si vous prenez ces eaux-là, vous les goûtez, vous verrez que c'est très, très aigri. Et ces eaux-là également sont utilisées dans la pratique sorcière. Bien, souvenez-vous qu'ici, j'ai donné deux vidéos. Pourquoi les hommes politiques et les hommes d'affaires, hommes comme femmes, s'intéressent tant aux eaux des morts, les eaux des corps morts, c'est-à-dire des êtres humains qui sont morts, mais on prend les eaux-là. L'enseignement est ici. Et là, ce n'est pas le but de cet enseignement aujourd'hui. Juste pour vous donner une information sur l'importance des éléments qui sont associés à ce rite de pouvoir capturer, tuer, pour ne pas dire faire du mal à la personne qui veut vous faire du mal. Donc, comprendre que le vinaigre n'est pas à négliger. Dans toute pratique sorcière, le vinaigre est beaucoup utilisé. Et dans vos mains, régulièrement, je vous recommande d'en consommer. Et d'ailleurs, pour preuve, j'ai fait une petite composition qui date de depuis 7 ans. Cette composition, je l'ai faite auprès d'un ami brésilien. Alors, c'est du vinaigre qui est mélangé aux œufs. C'est du vinaigre qui est mélangé aux œufs et d'autres plantes secrètes que je ne veux pas ici diffuser de peur de la mauvaise utilisation. Voilà le mélange, c'est ça. Ça semble comme un jus, mais en réalité, dedans, il y a près de 50% du vinaigre que je vais consommer. Je vous informe que ce n'est pas très agréable. Ne tentez pas l'expérience, mais si vous pouvez le faire, c'est bon. Donc ça, c'est du vinaigre vieux qui a plus de 7 ans. J'ai fait une composition que j'ai reçue de certains frères prêtres de la Macumba brésilienne. Ce vinaigre que je viens de consommer, donc là-dedans, là, il y a du vinaigre, il y a des œufs dedans, il y a certaines plantes, il y en a 4 plantes au total, et certaines parties de mon corps. Donc quand je bois ça, même en live, en direct, s'il y a un sorcier qui ose venir me pénétrer, il va mourir sur le champ. Si quelqu'un veut tenter, qu'il tente. Parce que je vous ai déjà averti qu'il y a beaucoup de gens qui tentent toujours venir, rentrer pour venir me perturber, je ne sais pas pourquoi. Voilà un exemple du vinaigre. Donc le vinaigre a, depuis la nuit des temps, servi toujours à certaines recettes magiques. Alors, j'ai parlé du vinaigre, sauf si j'ai oublié des détails, mais posez-moi les questions à la fin. Deuxième élément, il s'agit de la terre de cimetière, ou bien le sable de cimetière. Qu'est-ce que c'est? Le sable ou la terre de cimetière, comme le mot le dit, vous partez dans un cimetière, vous récoltez le sable. D'accord? Mais, comme le rite le dit, récoltez du sable dans un cimetière et également prenez du vinaigre que vous pouvez acheter dans un magasin et vous le mélangez et vous faites votre rite. Ça paraît simple, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas comme ça. Maintenant, je vais vous expliquer tout. Alors, quand vous partez donc au cimetière, avant de pouvoir ramasser la terre, il y a un rite qu'il faut faire. Ce rite s'appelle le rite de rentrer en communion avec les ancêtres. Et je vous informe que quel que soit le cimetière où vous pouvez vous trouver, vous pouvez pratiquer tranquillement cela. C'est un avantage pour ceux qui sont en Afrique, certes, mais ceux qui sont ici aux États-Unis ou en Europe, ce rite a une exception, c'est que vous pouvez le faire dans n'importe quel cimetière et dans n'importe quelle heure. Vous pouvez faire... Bon, je ne vous conseillerais pas au niveau ici aux États-Unis et en France, je crois, les cimetières sont gardés par des croque-morts ou des officiers de sécurité. Donc, on peut vous soupçonner de quelqu'un qui est dangereux. Donc, il faut laisser les morts tranquilles. La journée, c'est mieux. Eh bien, je vous explique donc la technique. Pour ce qui est donc de ce rite, c'est aussi simple. Le rite, vous faites d'abord la présentation. Vous devez parler donc aux ancêtres. Mais quand vous parlez aux ancêtres, vous devez vous adresser donc d'abord aux 4 génies des 4 coins de la planète. Vous voyez, moi dans ma langue galloise, moi, mon grand-père m'avait donné les noms. Cherchez ces noms-là dans vos langues. En hébreu, les noms c'est Rapport Abraham Mi'al Amriel. Ça, c'est en hébreu. Bon, comme vous le savez, la langue hébraïque, on ne prononce pas le CH. C'est-à-dire qu'en français, vous avez entendu parler de l'archange Saint Michael. Vous avez entendu parler de l'archange Saint Michel. D'accord? Ainsi de suite. Donc, ce sont ces quatre archanges-là, mais qui ont été traduits. Vous n'avez pas le droit de traduire. Mais ça, c'est pour vous dire déjà les noms des quatre génies qui gardent les quatre coins. Si vous avez donc le livre bleu, je vous prie de vérifier quand vous serez chez vous à la page 203 jusqu'à la page 206. D'accord? Révisez cela. Vous vous mettez face à l'est et vous prononcez le nom de Dieu selon la méthode pentagrammatique ou à la méthode hébraïque ou juive. Hébraïque, c'est-à-dire de nous on sait. À l'est, vous avez le nom de l'archange en langue hébraïque. Nous, là, en français, c'est Raphaël. D'accord? Ensuite, vous tournez dans le sens d'une aiguille d'une montre. Vous partez donc de l'est et vous allez vers le sud. Et là, c'est Michaël. Et c'est le nom de Dieu. Le deuxième nom de Dieu est prononcé. Ensuite, vous tournez, vous partez à l'ouest. Là, vous avez le nom de Dieu qui est prononcé autrement et vous allez identifier l'archange qui s'appelle Gabriel. Et vous tournez et vous allez au nord. Cette fois-ci, vous avez l'archange Abrial. D'accord? Là, j'ai prononcé en français. Mais ceux qui connaissent bien la Kabbale, on ne prononce pas ça comme ça. Et une fois que vous avez fini, vous revenez en face de l'Est. Même dans le bouti, dans n'importe quelle initiation, on tourne toujours dans le sens de l'aiguille d'une montre. Ce rite des ancêtres, donc, que vous allez faire avant de pouvoir s'approprier de cette terre, vous le faites de la droite vers la gauche. Donc, je crois que j'ai été clair. Maintenant, si vous ne connaissez pas les noms dans vos langues, vous pouvez prononcer les noms araméens ou bien les noms hébraïques là. Et rassurez-vous que l'hébreu n'est pas la langue des Blancs. C'était les premiers Noirs, c'était des Hébreux, pour votre information. Mais c'est important, moi je les connais dans ma langue galloise. Je connais comment on prononce ces noms-là. Il y en a quatre, c'est-à-dire les noms des quatre grandes entités. Ce sont ces quatre grandes entités que Teta, Mongali, Banga, l'être suprême, le créateur des cieux et de la terre. Chez les Juifs, ils disent que ce sont ces quatre grandes entités-là qui veillent à l'ordination et à la destruction ou à la restauration de quoi que ce soit sur la planète Terre. Ce sont ces quatre archanges que vous connaissez. Il y a Raphaël, Gabriel, Michaël, Abriel. Donc ces quatre-là, ce sont ces quatre-là qui travaillent pour le compte de l'être suprême. Quelle que soit la planète, c'est-à-dire qu'ils commandent, ils sont aux commandes de toutes les 12 planètes, des multiples qu'on ne connaît pas. Donc à chaque fois, par exemple, le déluge, ça a été provoqué par eux. La prochaine destruction qui est prévue par un grand feu, ce sont eux qui vont créer à ce que le soleil chauffe la planète pour qu'elle disparaisse, mais il y aura des humains qui vont être sauvés, aller vers d'autres planètes, comme ça se passe à Mars. C'est un détail très important. Donc, vous êtes dans le cimetière et vous devez amener avec vous quelques éléments. Les éléments, c'est quoi? Ce sont les aliments. C'est le vin. Hein? Vous amenez 1 litre de vin et vous amenez les offrandes. Veuillez rentrer dans la liste des offrandes, vous devez savoir ce que c'est les offrandes. Si vous êtes ouest-africain, vous devez mettre dans vos offrandes la kola, les arachides, si vous voulez bien. Maintenant, si vous êtes de chez moi, le Gabon, dans la zone de Mekambo, mais vous amenez votre nkoumou, vous amenez votre manioc, vous amenez. En fait, c'est que ces ancêtres-là avaient l'habitude de manger, même si vous opérez dans le cimetière des Balans. C'est très important. Donc, vous les avez, tous ces aliments-là, dans un petit sac. Et vous avez votre litre de vin. Vous vous mettez donc, première étape, une fois que vous avez ces aliments, vous rentrez dans le cimetière. Il y a l'autorisation. Il faut donc demander l'autorisation au gardien de ce cimetière. Donc, vous vous présentez. Vous parlez aux ancêtres et vous vous présentez qui vous êtes. Allez, je me suis la vidéo sur la vidéo sur comment rentrer en possession de votre chapeau noir. Donc, il y a le rite. C'est le mot mort. Mort. Le mouvement obligatoire du retour vers la terre. C'est le code secret. Mais la différence qu'ici, là, vous n'ouvrez pas, on ne vous ouvre pas pour rentrer là-bas. Mais je parle du rite d'introduction, c'est la même chose. Donc, vous allez parler. Donc, vous demandez l'autorisation au gardien de ce cimetière en faisant donc le rite que je veux vous donner. Le rite, vous avez les aliments, vous avez, disons, les offrandes d'animaux, et vous avez votre litre de vin. Donc, vous êtes debout, Vous connaissez le nom de l'archange. Vous n'êtes pas obligé de prononcer le nom de cet archange, puisque vous êtes bel et bien debout, en face. Pardonnez-moi, chez moi, l'Est, c'est ici, là. Voilà. Je suis en face de l'Est, là. Je suis ici, en face de l'Est. Donc, j'ai la nourriture. J'ai les offrandes. Donc, vous vous parlez. Je suis ceci, vous suis cela. Et voilà, je viens ici. C'est pour vous demander une autorisation d'ouverture. Vous prenez. Vous jetez les offrandes à une distance de moins 1 jusqu'à 5 mètres distant de vous. Vous allez les jeter. Et vous prenez le vin, vous versez devant vous. Et vous tournez. Vous faites la même chose. Vous parlez. Vous parlez. Vous courbez avec respect devant l'entité qui est à ce point cardinal, je crois, qui est le côté opposé, donc le côté sud. Maintenant, vous prenez et vous jetez toujours à une distance au moins de 5 à 10 mètres. Vous jetez ces aliments, dites prenez et recevez, et vous versez le vin. Et quand vous tournez au sens aiguille de la montre, c'est le pied droit, comme on vous l'a appris dans les arts martiaux, si à certains qui ont fait les arts martiaux, vous tournez d'abord le pied droit. Et la même chose, avec respect, vous vous penchez et vous citez le nom de l'entité, vraiment du fond de votre corps, vous vous imaginez cette entité et vous prenez les offrandes, vous jetez avec la main et ensuite vous prenez votre vin, vous versez et vous venez ici, la même chose, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous prenez et vous jetez et vous versez votre vin et vous revenez au point de départ. Vous avez scellé. Maintenant, vous dites aux entités merci. Merci beaucoup. Donc, une fois que vous avez fini de faire ce rite, maintenant, vous sortez. Mais rassurez-vous que vous avez fait un tour de 360 degrés, n'est-ce pas? C'est un rayon de plus. Oh là là. On a été un peu perturbé, pardonnez. Donc, vous avez fait 360 degrés, vous avez tourné. C'est un rayon de près de 20 à 25 mètres carrés. Vous avez tourné. On est perturbé. Je suis sûr que le prochain enseignement, je changerai l'appareil. Parce que là, ça n'a rien à voir de sorcellerie. C'est juste l'appareil qui déconne. Il faut que je reparte vers Best Buy. Donc, une fois que vous avez fait ce rite, disais-je, vous avez tourné. Maintenant, vous prenez le sable ou la terre en bonne quantité. En bonne quantité et vous mettez dans votre sac. Prenez une bonne quantité, mais ne regardez pas derrière, s'il vous plaît. Une fois que vous avez fait le rite, vous allez entendre des voix, vous allez entendre des manifestations. Sûrement, vous serez le seul à entendre ça. Et là, je parle, c'est en plein jour, hein, si vous faites ça la journée. Pareil, vous allez entendre des voix, des gens qui rient, qui crient, qui vous menacent même. N'ayez pas peur. Ne regardez pas derrière. Une fois que vous avez fait le tour de ce rite-là, de l'introduction auprès des ancêtres et leur donner à manger, tout en invoquant mentalement les noms de chaque entité qui correspond à chaque point cardinal. Donc, une fois c'est fait, maintenant vous, étant dans ce cercle-là, vous prenez la terre, vous mettez dans le sachet, prenez la terre, vous mettez dans votre sachet et prenez la quantité que vous désirez, une bonne quantité, parce qu'il ne faut plus revenir la prochaine fois. Donc, vous prenez une très bonne quantité, vous mettez dans votre sac et vous l'amenez avec vous. Voilà, vous avez pris le sable ou la terre pleine. Allez-y, sortez de ce métier, ne regardez plus derrière. Certains vont me poser des questions. Y aura-t-il des manifestations? Je vous ai déjà prévenu, oui. Il y aura du bruit. Il y a des entités qui vont rire ou crier ou quoi, je ne sais pas. Vous pouvez le faire dans n'importe quel cimetière. Bon, en Afrique, je conseille de le faire surtout à partir de minuit. C'est encore mieux. Mais par contre, dans les pays d'Abraham, on l'a fait la journée pour éviter les palabres. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait pour obtenir la terre du cimetière. Vous voulez que je me résume? Si vous n'avez pas compris, regardez le chemin du rite de renvoi. C'est le rite de renvoi, ça s'appelle. Souvenez-vous, non? Le rite de renvoi de la terre, c'est-à-dire le rite de comment purifier votre corps astral, comment se connecter avec les quatre grandes entités qui gardent le royaume de tous les royaumes, de toutes les planètes, mais qui travaillent en connexion directe avec l'être suprême. Vous connaissez leurs noms, hein? Les chrétiens connaissent. Il y a Raphaël, Gabriel, Michael, Ariel. Voilà, ce sont les quatre. Mais si vous ne connaissez pas ça dans votre langue maternelle, vous devez prononcer ces noms-là selon la pratique décrite dans le livre de la lumière sur le royaume, le livre bleu. On ne dit pas Gabriel, c'est Avec la respiration. On ne dit pas Raphaël, on dit Raphaël. On ne dit pas Michael, mais on dit Miral. Miral. Miral. On ne dit pas Michael, mais on dit Miral. Donc, il faut faire très attention, suivez hein, la procédure. Voilà pourquoi je vous ai dit, je vous recommanderais d'avoir ce livre. Je vous dis bien de la page 200, combien là? Je disais la page. Voilà, je ne me suis pas trompé. Donc, de la page 202 jusqu'à la page 205. OK? Pour vous inspirer, quoi. Donc, étudiez bien ce rite-là et vous allez remplacer les noms là dans les noms de votre langue maternelle. Chez les Fang, je sais que les Fang, surtout les jeunes Fang, ils connaissent ces entités-là, on leur donne ça dans leur langue. Moi, mon grand-père Kota m'avait donné ça en langue Kota. Donc, vous devez normalement, quand vous mettez en face de l'Est, c'est là où le rite commence. Vous devez avoir dans vos. Si vous avez un téléphone comme le mien, vous devez avoir les téléphones modernes, vous aussi. Hein? Bon, je vais vous amener là-bas. Voilà. Moi, par exemple, je l'ai. Vous faites le possible. Voilà un compas. Vous devez avoir un compas comme ça. Vous le téléchargez à partir de Google Play. D'accord? Pour vous aider. Donc, vous partez au cimetière, vous avez votre Google Play, vous vous rassurez que vous avez votre sachet là, vous tournez, où suis-je? Est-ce que je suis à l'est là? Est-ce que je suis à l'est? Oh, ok, c'est bon. Voilà, je suis déjà en face, c'est ça l'est. Ok, voilà, oh là là, je suis donc est-ouest. Donc, il faut avoir ça, hein, c'est très important. Comme ça va vous aider. Donc, voilà comment on fait les rites d'abord des prises, la prise de la terre. Le pauvre Guinéen, vineur, là-bas, ce n'est pas compliqué, je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais c'est la terre, là, pour la récupérer de ce métier, c'est ce qui est le plus compliqué. Ouais. C'est pour ça que je vous avais dit, il faut attendre. C'est vrai que l'administratrice et moi-même, on vous a fait une pub, on vous a dit, voilà le rite, c'est ce qu'il faut faire. Mais on n'est pas dans le détail, je vous avais promis que je dois vous donner d'abord le rite, comment communiquer avec les ancêtres. Donc, un, il vous faut une maîtrise d'abord d'avoir l'habitude de communiquer avec les ancêtres. Et de deux, ça va vous faciliter quand vous partez de ce métier là-bas, vous connaissez déjà vos ancêtres. Vous connaissez le nom des quatre entités qui se cachent et qui sont aux quatre coins cardinaux pendant que vous tournerez dans le sens d'aiguille de la montre. Voilà, je viens de vous montrer. Voilà ce qu'on appelle tourner dans le sens. Si je vais comme ça, c'est opposé. Tourner dans le sens d'aiguille d'une montre, c'est ça. Voilà, je suis en train de tourner au sens d'aiguille d'une montre. Voilà, là, je tourne au sens d'aiguille d'une montre. C'est ce que je fais là. Vous voyez? C'est ça. Donc, c'est comme ça que vous allez faire votre rite. C'est comme ça que vous allez attirer ces quatre grandes entités-là. Qui vous encercle, plus vos ancêtres et les aliments que vous jetez à un rayonnement de près de 20 à 25 mètres carrés autour de vous. N'est-ce pas? Entre 1 à 5 mètres, vous jetez, que vous dites, recevez, c'est pour vous. Je suis votre petit-fils, je suis votre fils, recevez. Et recevez également, buvez ce vin, il est à vous. Voyez-vous? Donc, une fois que vous avez fini cela, comme je disais, vous appelez la terre. Et vous sortez, vous tournez le dos au cimetière, ne regardez plus derrière, c'est l'interdit formel. Ne me posez pas des questions, mais si on regarde derrière comment. Bon, quand vous êtes trop curieux là, vous allez devenir comme la femme de Lot. Vous vous en souvenez l'histoire de la Bible, non? Quand on avait dit à la femme de Lot, toi, il ne faut pas regarder derrière, qu'est-ce qu'elle était devenue? Donc, on ne blague pas avec ces entités de cimetière. Pourquoi on exige de faire ce rite, quel que soit le cimetière? C'est parce qu'en faisant ce rite, vous vous connectez à vos ancêtres. Les blancs, les esprits des blancs qui sont là vont seulement regarder et dire, oh, le type là, il fait quoi? Mais entre-temps, c'est un cimetière, mais qui vous connecte avec le royaume des morts. Donc, quel que soit l'endroit, que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Chine, si vous allez dans un cimetière, vous faites ce rite-là, conformément, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de problème. Vous avez fait ce qu'on appelle la prise de la terre et une moitié de la charge. Maintenant, vous prenez, vous tournez, vous partez à la maison. Une fois rendu à la maison, vous faites maintenant les techniques de charge, comme je vous l'ai indiqué dans le rite du vin. Donc, ne me posez plus trop les questions. La technique de charge, c'est pareil comme la machine. Donc, vous parlez sur ce sable-là, vous parlez sur le vinaigre et vous mélangez les deux éléments. Voyez-vous, vous mélangez ça. Vous pouvez garder ça dans un bol. Si vous voulez, moi, je ferais mieux de garder voilà, une damejeanne comme ça. Tout est mélangé là-dedans. Ça, c'est une damejeanne. Hein? C'est mon eau, c'est l'eau de source, là où je vais prendre ça. Je suis en Amérique, mais j'ai accès à cette eau-là. Ça coûte très cher, mais c'est bon. Vous mélangez le tout comme ça, par exemple, prenez suffisamment de terre, vous mettez dans un machin comme ça, là, avec votre machin, et vous secouez. Donc, une fois que vous avez fait les charges, là, vous mélangez. Maintenant, vous pouvez utiliser cette composite-là comme une pommade, ou bien vous prendrez au moins un demi-verre de ça. Vous mettez dans votre seau, même si vous avez un pays d'appalaches, même si vous êtes comme Econ ou bien comme 50 Cent, même si vous avez la douche qui est en or, mais vous aurez toujours besoin d'un seau. Donc, dans le seau, vous mettrez de l'eau dans lequel vous prendrez un ou deux verres de, surtout un verre de ce mélange. Et puis, vous parlez exactement comme le riz du vin. Et vous parlez pendant que vous baignez ça sur votre corps. Vous parlez et vous citez le nom de l'ennemi. C'est très important. Vous citez. Ça, c'est mon oncle, monsieur, mon oncle, il gagne Kende. Ce mec-là, il me veut du mal. Mon Dieu, je suis venu faire mes études en Europe, mais il gagne Kende. Il m'embête. Oui, je veux la destruction. Je veux la destruction. Je veux rendre le mal pour le mal. Quand vous parlez comme ça, c'est authentique. Ça agit. Ça agit. Je ne peux pas vous raconter des bêtises. Ça, là, c'est encore moins compliqué que les histoires du rite de la Macumba que je vous ai montré parce que. Il y a quelqu'un qui a tenté ce rite, la poupée là, ça a raté, la personne a fait un accident, certes, mais le pied ne s'était pas cassé. Et après, il est venu me dire, oh, mais comment vous avez dit le pied va se casser? Je dis, oh, mais il a eu l'accident, non, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, mais il s'est rétabli du pied. Je dis, non, mais ça dépend de l'intensité de votre émotion. Parce que c'est très important, hein, quand vous faites les rites, il faut émettre un taux important de votre émotion dans cette chose que vous désirez. C'est en fonction du degré de votre émotion. En fonction du taux vibratoire de vos fréquences que vous élevez à des hautes dimensions auprès de ces entités qui se chargent de faire le mal à l'individu parce que la personne veut vous faire du mal. Vous comprenez? Donc, cette technique, c'est pour vous protéger contre les méchants. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? J'espère. Posez-moi les questions maintenant parce que je ne veux pas parler plus de 40 minutes ici, là. Voilà le mélange. Et ensuite, le même mélange, disais-je, vous allez garder donc, voilà. Ça, je sais que la question va venir. Vous avez tout le mélange ici, là, tout le mélange est là, non? Vous gardez ça donc à la tête de votre lit. La terre que vous avez prise au cimetière, mélangée avec le vinaigre là, vous mettez ça au pied de votre lit, à la tête de votre lit. Ça dort là à côté. Avant de dormir, vous prenez, vous utilisez ça comme une crème sur vos cheveux et vous parlez. Tel sorcier, n'importe quel sorcier qui m'attaque, ben parce que je connais un. Quand je suis allé manger mon bois sacré, on m'a montré que c'est le vieux Mabako. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me veut. Mabako! Par ceci, Mabako, tu vas être attaqué, détruit. Voilà, vous parlez. Et puis vous dormez. Aucun sorcier ne viendra vous visiter. Voilà la technique traditionnelle que j'ai puisée auprès de la confrérie du roi Makoko et qui est pratiquée également chez nos parents Teke du Haut-Ogooué. C'est pratiqué chez les parents Teke. Chez le peuple Kikongo, au Congo, et c'est pratiqué également en Centrafrique. Au Gabon, peu de personnes le pratiquent, mais votre humble serviteur a eu accès à cela. Voilà quelque chose que je partage avec vous. Avez-vous des questions avant qu'on ne se sépare? J'en ai terminé. Parce que je vais prendre une pause là de 1 heure. Après, je viendrai pour notre enseignement, machin, de ce soir-là sur. Saviez-vous que vous êtes un sorcier caché? C'est ça. En fait, c'était ça le rendez-vous d'aujourd'hui. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? After the initiation, what's next? Which initiation are you talking about? This ritual or this rite does not require any initiation. This is just a preventive technique, a preventive protecting technique means you're preventing any evil forces, any witchcraft, any sorcerers, any evil person with the evil thoughts to penetrate, to attack you, to assault you mystically and spiritually. That's it. You don't need no initiation for this. I mean, yeah, I understand the way you're talking, but this is the self. You can do it oneself. This you can just do it by yourself. That's it. You don't need no further initiation or previous experience in the mysticism. Okay? What's next? Well, like I said, you just follow the steps. Just follow the steps. Posez les questions, je vais vous répondre. Pardonnez, hein? On a été un peu trop perturbé là, c'est l'appareil là, mais je vais changer ça. Je vais changer. Je vais mettre la musique, je cherche la bonne musique pour vous. Battery 100%. BlackBerry BB1005 connected. Yeah. Bien. Alors, je vais répondre à vos questions. Quelles sont les questions que je vais pouvoir analyser après je vous quitte? How many times can we do these resets? Well, like I said, these resets, you're talking about the ritual, right? When you get into the cemetery. Well, it depends on how much, what's the amount you're taking. I'm talking about the ground soil. I'm talking about the sands. That sand you're taking from the cemetery. If you're not taking enough, well, of course, you can do it maybe once or twice a month. And some folks like myself, I used to do it normally every 3 months. I would go and grab some just to help some folks. Yes. So the amount of times, if I really can reread your question, yes, to do the resets, you can do it at least once a month. That's what my recommendation would be, you know, or maybe once every 6 months. You need to take enough of that amount. Now, the good question though, because the vinegar can end as well. The vinegar, what I would suggest you to do, oh, I forgot. You see what I'm talking about? You here, if you're here in the US, we have the one, 30 to 48 ounces or 1 liter or, oh, I never seen a gallon. A quarter gallon of vinegar will be better. The apple cider vinegar, that will be the best one to get, okay? So if you have 1 liter, it will be much better for your operation. And that 1 liter can last you for maybe 2-3 months because you got to do the mixture. It doesn't require you to take the whole bath with it. No, it's just a small amount. Like you can take such amount like this and just pour it into your bucket. And when you pour in a bucket, mix it up and you talk over it, you charge it. That's what I was saying. Then, you know, just a few, take a few, go through your face and the body, and then, you know, deeply say whatever I said. Un autre terme pour ceux qui, je vais dire pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, la question qui a été posée, c'est combien de temps vous pouvez procéder à cela? Je dis, mais écoutez, ça dépend de la quantité que vous prenez. Généralement, je recommanderais de prendre une bonne quantité de terre quand vous quittez le cimetière et d'acheter 1 litre de vinaigre. Mais s'il existe un gallon, c'est-à-dire près de 4,5 litres, tant mieux. Je ne sais pas si ça existe en Angleterre, mais chez nous, ici aux États-Unis, je n'ai pas personnellement vu ça. J'ai plutôt vu de 1 litre seulement de vinaigre. Et c'est ce mélange que vous allez faire. Et quand vous ferez votre rite, il n'est pas question pour vous de tout verser dans le seau. Sinon, le lendemain, vous irez encore au cimetière. Comprenez? Parce qu'il s'agit pour vous de prendre une quantité qui vous servira comme lotion sur votre tête, sur votre visage, votre corps avant de dormir et avant de sortir même. Ou bien si vous avez un rendez-vous important, un rendez-vous, par exemple, d'interview, OK? So, you go on to an appointment, you got an interview, you want to get a first job, interview, whatsoever, and a business appointment, or you want to, you know, whatever, you know. C'est toujours important d'avoir ça en bonne quantité. Vous devez frotter ça sur votre corps. Parce que là, vous irez, on peut avoir mis un fusil nocturne sur le banc que vous allez vous asseoir. On peut, ou bien le mec qui veut vous employer, c'est un grand maçon négatif. Il a ses pouvoirs, il veut vous hypnotiser. Mais tout cela va être annulé. Mais n'oubliez pas également que quand vous partez dans les rendez-vous, il faut toujours vous laver les mains avec quoi? Référez-vous au rite de l'urine. Donc, voilà, c'est très important d'avoir tout cet arsenal de connaissances. What's the next question now? Si on a déjà le sable donné par nos parents avant de venir en Europe, bon, si vous avez eu le sable là, depuis les cimetières de chevaux en Afrique avant de venir en Europe, bon, tant mieux, hein, si on va vous autoriser de voyager avec soi dans la soute, oui, oui, oui. Il y a des gens qui ont ça, vous pouvez mettre ça dans un grand sachet. Pour ceux qui sont en Afrique, par exemple, bon, si vous pensez que c'est des risques, et pour l'authenticité et l'efficacité du rite, si vous voulez le faire quand vous êtes en vacances ou partez en vacances en Afrique, Eh bien, vous pouvez faire ce rite-là dans le cimetière là-bas chez vous en Afrique. Vous savez que vos parents étaient enterrés là. Mais n'oubliez pas de demander les noms des quatre entités que je viens de vous citer. Raphaël, Raphaël, Michael, Gabriel. Il faut qu'on vous dise ces noms-là dans vos langues à vous. D'accord? Écoute, pardonnez-moi, j'ai eu un mauvais signal parce que j'ai dû prononcer. Enfin, je n'étais pas supposé de prononcer sans avoir fait un signe au départ. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. OK, il n'y a plus d'autres questions. OK. Le parent qui a assassiné, il faut me contacter, il n'y a pas de problème. Peut-on avoir le nom des feuilles ou plantes? Vous parlez de quelles feuilles? Vous me parlez de ma formule là que je viens de boire là. Bon, moi, c'est les noms là sont en brésilien. Je vais tenter de vous donner ça. C'est en portugais. Mais je sais, j'ai les images, je sais ce que c'est. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous qui connaissons par prognose les noms, exactement le nom des anges, pouvons-nous toujours faire? Si vous connaissez, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par ma quoi là, mais si vous connaissez très bien les noms de ces entités, je l'ai dit là, vous ne m'avez pas suivi. Au début, je l'ai bien dit que voilà pourquoi ce livre doit vous servir. Donc là-dedans, même la manière dont l'auteur a écrit, voilà pourquoi il vous envoie un CD de prononciation. Comment prononcer ces noms-là? Parce que si vous dites Gabriel comme l'Église catholique, là, ça, bon, c'est vrai, il va se manifester, mais la vibration ne sera pas forte. Mais si vous dites, en suivant les rythmes respiratoires, pardonnez-moi, il faut que je fasse encore le signe. OK, d'accord. Si vous dites, Gabriel, si vous le prononcez exactement comme ça, ou encore, avec la respiration, ok? Ou encore, parce que Michael, on ne le prononce pas Michael comme ça. Comprenez? C'est des risques que je prends là. Vous n'imaginez pas les gifles qu'on est en train de me taper là. Je suis obligé à chaque fois de faire le signe d'autorisation. On ne prononce pas n'importe comment, s'il vous plaît. Mais, c'est pour cela que je vous ai dit, la page 202 jusqu'à la page 206, s'il vous plaît. D'accord? Oui, vous pouvez le faire à la prononciation des noms comme ça, mais selon l'hébreu original, laissé par nos ancêtres hébreux, les Noirs. C'est ça, il faut prononcer ça. Il ne faut pas prononcer comme l'Église catholique, là, Michael, Gabriel, Raphaël. Non, non, non, non. Ça n'a pas de sens. OK? Il faut le prononcer en langue hébraïque originale. Bien, je crois que j'en ai terminé. Je vous remercie. Donc, la personne qui insiste, qui m'a écrit, donc, réécrivez-moi. Parce que si vous me venez, vous me donnez n'importe quel nom, vous comprenez, j'ai un problème là. Les gens viennent avec mille et un noms. Bon, maintenant, je vois, c'est un autre nom qui est ici là. Bon. Présentez-vous cette fois-ci après le live, s'il vous plaît, parce que j'ai une pause d'une heure. De me dire que je suis tel qui vous a dit que voilà, je suis à telle ville, aux États-Unis, à côté de chez vous. Voici mon nom. Et puis vous vous présentez. Comme ça, je peux vous prendre dans mon contact WhatsApp. D'accord? Il n'y aura pas de problème. Parce que je vous dis, trop de gens m'appellent des choses. Alors que je leur dis bien qu'il y a des. Quand je leur dis que c'est payant, ils m'appellent pour m'entretenir pendant plus de 30 minutes. Après, vous allez dire, je suis méchant. Non. C'est quoi là? What? Est-ce qu'au temps des ancêtres, il existait le vinaigre? Oui, bien sûr. Le vinaigre n'existe pas seulement aujourd'hui, maman. Le vinaigre existe depuis la nuit des temps. Le vinaigre veut dire le vieux, le vin qui est aigre. Si vous prenez du vin là, le véritable vin que vous avez là, si vous le gardez trop longtemps à une certaine température, il va perdre sa saveur et il devient aigre. En fait, c'est ça le vinaigre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le vin qui a perdu sa saveur, devenant ainsi aigre. Mais cette aigreur-là vous fait rentrer en communion avec l'esprit du vin, donc l'esprit des ancêtres. Voilà pourquoi c'est recommandé. Tout vrai sorcier, soit il vous demande du vin mort, du vrai vin, le vin genre de cave qui a. Vous voyez, pouvez même pour ceux qui sont maçons, discutez avec les grands maçons français, là, ils vont vous dire, hein, le vin qu'ils utilisent dans cet rite, c'est du vieux vin. Et dans la Rose aux Croix, quand on faisait le rite de communion, on n'utilisait pas n'importe quel vin, on utilise du vieux vin. Le litre te fait presque 1000 euros le litre. Ah oui. Donc, le vinaigre veut dire c'est du vin qui est devenu aigre. Ça rappelle le corps décomposé d'un être, d'un humain. Quand le corps se décompose, les os là, c'est aigre également. Ils ont le même goût. Voilà pourquoi c'est recommandé d'utiliser ça. Oh non, moi je ne veux pas donner les noms miennes ici, là, en plein live, s'il vous plaît. Hein? Ça, c'est. Je sais pas moi. Je les connais en gallois, tel comme là, plutôt en kota, je voulais dire. C'est mon grand-père kota qui me l'a donné en langue kota. Bon, en gomienais, il faut que je médite là pour vous découvrir. Faites un peu de recherche, évitez que moi je vienne tout vous donner ici, là. D'accord, j'ai compris. Garde Mbuka. D'accord, il n'y a pas de problème. Qui est encore là? Je vous ai écrit sur quoi? L'identité de. Oh, ok. Oh, d'accord. Oui, mais vous savez, le email là, comme il est personnel, le véritable email qui était attaché avec la chose là, les gens m'envoyaient des courriers n'importe comment, me parlant des politiques. C'est à cause de ça, j'ai annulé ça. On leur dit, répète tous les jours aussi que c'est spiritualité. Politique, il faut aller à choses là-bas, pareil. Merci beaucoup, donc. Merci. Je vais refaire en quota. Ok. Si, ok. Voilà. Si vous êtes quota, il n'y a pas de problème. Si vous parlez bien le quota. Bon, voilà. Je crois que j'en ai terminé. On peut se quitter là parce qu'il faut que je paye une petite pause. On a un enseignement, n'oubliez pas, sur la thématique du jour. Hein, souvenez-vous, c'est sur la question fondamentale. Savez-vous que vous êtes un sorcier? Peut-être que vous êtes un sorcier, mais vous l'ignorez. Donc, c'est cette thématique qu'on va faire tout à l'heure, mais qu'on finit là. Que Tétan Mwanga vous bénisse. Merci, merci, merci encore. Et pardonnez, j'ai eu des petites attaques là. Non, non, pas, ce n'est pas des sorciers, mais ce sont les entités là. Le fait de prononcer leur nom à chaque fois, ça dérange beaucoup. Et ce n'est pas bon. Il faut. Bon, c'est de ma faute. Il a fallu chaque fois que je prononce ça. Et puis, ça m'a mis un peu en désharmonie, mais ce n'est pas grave. Parce que moi-même, je saurais comment. Je saurai comment je vais gérer ça tout à l'heure. Donc, merci beaucoup hein, de m'avoir assisté. Et surtout, surtout que ce rite-là, vraiment là, vous n'allez plus vous embrouiller. Tout est bien expliqué. Donc, nous allons nous quitter. Et puis, voilà. Nous allons nous quitter sur Prisca Along. Et que Teta Mwanga vous bénisse. Préparez-vous aux questions de la prochaine thématique. On se retrouve. Je disais que c'est à 21h, heure du Gabon, 22h, heure de France. Présentement, il est quelle heure? On n'est rien, rien dit. Voilà, présentement, il est 20h, si je ne me trompe pas. Bientôt 20h, hein, dans 9 minutes au Gabon. Bientôt 21h en France. Donc, nous allons nous retrouver dans 1 heure. On a vu qu'il y avait beaucoup de petits, et puis on a des oiseaux. On a vu qu'il y avait beaucoup de petits, et puis on a des oiseaux. Oh, vous suivez ta mort, si tu avais ta bonne à ta gare. Oh, vous suivez ta mort. Ni ba ma mutamani, ani ba ma zambekana. Nete jamini uba ya ni ba ni na, ni ya Merci beaucoup. Que l'État Manga vous bénisse. Merci. Retrouvons-nous tout à l'heure. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.